pluie qui tombe sans protection. Cette pluie inonde les idées mortes et laisse la place au lendemain plus serein, un peu plus certain. Au loin s'éclairent les personnes qui comptent, même si ce ne sont que des ombres. Pourtant